L'espion sous l'eau. L'espion met son masque. Il met ses palmes. Je vais faire de l'espionnage, dit-il. L'espionnage sous l'eau. L'espion va dans une grotte. Il prend ses jumelles d'espion. L'espion voit des poissons rouges. Ils vont près d'une roche et zap! Plus de poissons rouges. Où sont les poissons? Dit l'espion. L'espion voit des poissons bleus. Ils vont près d'une roche et zap! Plus de poissons bleus. Où sont les poissons? Dit l'espion. L'espion s'approche de la roche. Il voit des yeux. Il voit une gueule. Tu n'es pas une roche, dit l'espion. Tu es un poisson. L'espion regarde dans son sac d'espion. Je vais faire une affiche, dit-il. Attention, ceci n'est pas une roche, c'est un poisson. L'espion retourne à son bateau. Je suis un bon espion, dit-il.